Léna, toi qui es loin, plus loin qu'Angoulême. Aime Léna, je veux te dédier un poème. Aime, je suis pas poète, mais je vais essayer quand même. Aime, ah faut-il que je dès aujourd'hui pour m'attaquer au problème. Aime, je me suis levé dès le petit matin blême. Aime, se lever tôt pour moi qui suis si bohème. Aime, ah faut-il que je oui, Léna, je. Oui. Pour m'inspirer, je me suis fait un café crème. Aime, mais par erreur, je l'ai sucré au sel j'aime. Aime, c'était pas bon, ma foi, je l'ai bu quand même. Aime, ah faut-il que je. C'est malheureux, je n'ai pas trouvé de thème. Aime, je t'aurais fait un truc avec des rimes en M. Aime, t'aurais compris que c'était un stratagème. Aime, pour te dire que je. Oui, Léna, je. Léna, oui.